Ceci est un audio généré issu de l'article La ferme d'insectes écolo où il pleuvait des larves et des millions publics, disponible sur le site conspiracte.com. Les sources utilisées sont disponibles sur le site. Bonne écoute à vous. Pourquoi le scandale NSE secte fait autant de bruit? Dès les premières images du documentaire de Vaquita, le ton est donné. Dans le hangar, des bacs explosent à 18 mètres de haut. Plus bas, des colonnes entières de larves se déversent sur les sols. On découvre aussi des couloirs recouverts d'une pâte brunâtre, de mousse et de cadavres d'insectes. Plusieurs salariés hurlent d'odeurs qui donnent la nausée et de zones où il devient presque impossible de respirer. Ce choc visuel tranche avec la légende qu'on a vendue pendant des années. Sur le papier, NSE secte incarne le fleuron français de la protéine d'insectes. Officiellement, la jeune pousse doit aider à nourrir le monde tout en sauvant le climat. La presse économique a longtemps présenté cette aventure comme une licorne exemplaire, comme le raconte par exemple un long papier des Échos. Entre ce storytelling léché et les vidéos de larves qui tombent comme des trombes, un gouffre apparaît. C'est là que naît vraiment le scandale NSE secte. Il ne s'agit plus d'un simple échec de start-up. On parle de problèmes sanitaires, d'images trompeuses, de millions d'argent public engagés, puis d'une liquidation judiciaire qui laisse une région entière avec un goût amer. La promesse dorée de la plus grande ferme d'insectes. Un pitch écolo taillé pour séduire tout le monde. Au départ, l'idée séduit presque instantanément. En 2011, les fondateurs de NSE secte expliquent qu'ils vont élever le ver de farine, Tenebrio molitor, dans des bâtiments ultra-optimisés. Les larves deviendront farine, huile et engrais, destinés à nourrir les poissons, les volailles, les animaux de compagnie, et peut-être un jour les humains. Le tout avec une empreinte carbone ultra-réduite. Le discours s'appuie sur des travaux sérieux. La FAO, agence de l'ONU, publie dès 2013 un rapport sur les insectes comestibles. Dans ce document, elle explique que l'élevage d'insectes peut consommer beaucoup moins d'eau, de nourriture et de surface que les élevages bovins. On retrouve ces chiffres dans des synthèses accessibles sur le site de la FAO. Sur cette base, la jeune pousse déroule son argumentaire. Elle affirme que ces fermes réduiront notre dépendance au soja importé et à la farine de poisson. Elle promet aussi de recycler des coproduits agricoles en nourriture pour les insectes. Les mots-clés tombent tout seuls, économie circulaire, souveraineté alimentaire, protéines made in France. Levée de fonds, médailles et fermes géantes. Ensuite, la mécanique de l'ascension suit le manuel classique des start-ups. Une première unité voit le jour à Dole, dans le Jura. D'autres projets apparaissent aux Pays-Bas et aux États-Unis. Rapidement, NSE secte revendique plus de 400 brevets. Les levées de fonds s'enchaînent. Au final, plus de 600 millions d'euros arrivent dans les caisses, comme le rappellent plusieurs enquêtes, notamment celle de Reporters. En parallèle, la machine politique s'active. Emmanuel Macron met en avant la ferme d'insectes dans ses déplacements à l'étranger. Le fondateur Antoine Hubert reçoit l'Ordre national du mérite. Trois ministres Barbara Pompili, Julien de Normandie et Cédric Haut viennent inaugurer en 2022 la ferme de Poulainville, près d'Amiens. Les discours parlent d'un site carbone négatif et d'un symbole du génie français. Du côté des médias, les reportages télé tournés à ce moment-là montrent des lignes immaculées. Les caméras filment des systèmes qui scannent chaque bac, des séchoirs géants, des sacs de farine et des flacons d'huile. Le message est clair, la plus grande ferme d'insectes du monde fonctionne. Elle produit de la protéine d'insectes propre, efficace et rentable. Aucun commentaire, à ce stade, sur l'état réel des lignes et sur ce qui se passe vraiment derrière les objectifs. Dans les coulisses, une usine en mode carnage. Ici, il pleut des larves. Sur les images tournées par les salariés, l'ambiance change radicalement. Dans les vidéos d'Adrien, opérateur de ligne, les bacs de plastique se brisent régulièrement. Chaque fois qu'un bac cède en hauteur, son contenu se déverse sur tous les étages inférieurs. On se retrouve alors avec des colonnes entières couvertes de substrat, de pâtes nutritives et de larves. Certaines séquences montrent des pluies de larves qui durent plusieurs minutes. Les insectes tombent sans discontinuer, comme un rideau vivant. Les sols se transforment en tapis glissant. Adrien raconte que, parfois, la production ressemble plus à une opération de déblaiement qu'à un vrai travail d'élevage. Il résume la situation en disant « On bosse dans une boîte où il pleut des larves ». Face à ces débordements, les équipes improvisent. Elles tendent des bâches, posent des poubelles en dessous des points critiques, bricolent des barrières. De plus, elles demandent du matériel adapté, comme des bacs de rétention spécifiquement conçus pour ces flux. Les réponses traînent. L'impression qui ressort des témoignages reste la même, la ferme tourne à moitié au système D, à moitié au coup de chance. Mousse, poussière d'insectes et poumons malmenés. Les problèmes ne s'arrêtent pas aux bacs cassés. Le circuit de lavage des bacs soulève aussi des questions sérieuses. Des restes de pâtes restent collés aux parois. Quand le laveur démarre, l'eau croise les résidus de nutrition. Cela crée une mousse abondante, parfois teintée. On la voit gonfler dans les machines, puis remonter dans les conduites d'effluents et par les grilles d'évacuation au sol. La salle blanche, censée être la plus propre du site, reçoit également sa dose d'écoulement. Des images tournées par les salariés montrent des coulures noires au plafond, provenant d'étages supérieurs où des larves ont macéré. Le contraste avec la définition même d'une zone blanche saute aux yeux. Sur les plans d'hygiène présentés aux médias, ce genre de scène n'apparaît évidemment jamais. En plus de tout cela, la question des poussières pèse lourd. Les larves de Tenebrio molitor perdent des cuticules, une sorte de seconde peau. Ces débris forment une poudre fine. Lorsqu'on déplace les bacs, cette poudre se disperse très facilement dans l'air. Des salariés parlent de poussière orange qui colle partout, sur les vêtements, sur les masques, dans la gorge. Plusieurs opérateurs témoignent de symptômes récurrents. Nez constamment bouché ou qui coule, yeux rouges, gorge irritée, toux sèche. Pour certains, les choses vont beaucoup plus loin. Une salariée raconte une crise d'asthme sévère qui l'a conduit aux urgences. Après des tests chez le médecin du travail, elle se découvre allergique à tout l'univers de la ferme d'insectes, larves, frasses, substrats contaminés. Elle explique qu'elle vit désormais avec un inhalateur et une chambre d'inhalation, sans savoir comment sa santé évoluera dans 10 ans. Des études scientifiques évoquaient déjà ces risques. Des travaux publiés dans des revues de médecine du travail et des rapports techniques cités par INFOGM signalent que l'exposition professionnelle à Tenebrio molitor peut entraîner des allergies, de l'asthme ou des problèmes dermatologiques. Malgré cela, certains salariés d'Amiens disent avoir reçu des équipements incomplets, avec des cartouches de masques expirées ou mal adaptées. L'enquête de Vaquita montre aussi des extraits de la messagerie interne de l'entreprise. Sur ces captures, on lit des signalements répétés sur des risques électriques, des fuites de soude caustique sans point d'eau proche, des températures très basses dans certains ateliers. Les réponses de la hiérarchie apparaissent souvent décalées. On suggère parfois de mettre une couche de plus. On promet des corrections qui n'arrivent jamais vraiment. Pendant ce temps, les visites officielles continuent. Les trajets des caméras sont connus à l'avance. Les zones filmées passent par des tunnels de nettoyage intensifs. Les séquenceurs, les séchoirs et les sacs de farine sont alors remis au centre de la scène. Sur le moment, peu de gens se demandent si ce décor reflète la vie quotidienne de l'usine. Argent public, storytelling et porte tournante. Quand on regarde le scandale NSSect sous l'angle financier, un autre vertige arrive. La faillite ne concerne pas uniquement les fonds privés. L'histoire engage aussi fortement l'argent public. Plusieurs organismes ont soutenu la start-up, convaincue de financer une technologie d'avenir. D'après des documents cités par Vaquita et recoupés par des médias comme Mediapart, NSSect reçoit près de 10 millions d'euros entre 2012 et 2016 en aide publique pour la rendre. La ferme d'Amiens bénéficie ensuite de 700 000 euros d'Amiens Métropole et de 20 millions de l'Union européenne. EPI France, la banque publique d'investissement, injecte de son côté plusieurs dizaines de millions d'euros dans la société, puis dans le secteur des insectes en général. Pendant ce temps, les pertes s'accumulent. Les comptes montrent des résultats négatifs de plusieurs dizaines de millions d'euros par an. L'administrateur judiciaire évoque un marché mal défini, des investissements trop ambitieux, des acquisitions coûteuses, le Covid et l'inflation qui ont alourdi la facture de la ferme d'insectes d'Amiens. Il note surtout que la commercialisation des larves reste anecdotique depuis la création. En clair, l'usine n'a presque rien vendu. La liquidation judiciaire de décembre 2025 met un terme à cette première vie. L'usine géante de Poulainville s'arrête. Le siège d'Evry se vide. Les salariés d'Amiens découvrent qu'ils redasculent dans la précarité. Certains avaient déjà connu des plans sociaux chez Whirlpool ou WN. Ils entendent alors une énième promesse de reconversion verte, sans trop y croire. Dans le Jura, le scénario prend une tournure particulière. L'ancienne usine, seule à générer un chiffre d'affaires réel, est rachetée pour 75 000 euros par la société Keprea. À la tête de cette nouvelle structure, Antoine Huder, fondateur de NSSect. Le projet change légèrement de vocabulaire. Il n'est plus seulement question de nourrir le monde. Kepréa parle maintenant d'agriculture régénératrice. D'après l'enquête, l'entreprise a déjà pris langue avec BPI France et d'autres acteurs publics pour financer cette nouvelle aventure. Le nom de Julien de Normandie apparaît aussi dans cette seconde vie. L'ex-ministre de l'Agriculture, qui avait défendu les protéines d'insectes et mis en avant NSESECT dans la stratégie nationale, siège désormais au conseil de Kepréa. Il préside le comité stratégique, sans rémunération, et affirme croire au potentiel environnemental du projet. La Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique a validé cette situation. Parallèlement, plusieurs chercheurs se penchent sur l'ensemble du secteur. Une synthèse citée dans des articles de Grain souligne que les bénéfices écologiques des fermes à insectes industriels restent loin des promesses. Acceptabilité très faible des insectes dans l'alimentation humaine, difficulté à utiliser de vrais déchets alimentaires, bilan carbone parfois pire que ceux du soja ou de la farine de poisson, le tableau se révèle beaucoup plus nuancé que prévu. Enfin, l'ambition carbone négatif de la ferme d'Amiens paraît aussi fragile. Un document interne, évoqué dans l'enquête de Vaquita, révèle que la définition utilisée repose surtout sur une comparaison avec les produits remplacés. L'usine aspire à le CO ambiant. Elle se contente de revendiquer un impact relatif inférieur à certaines alternatives. En réalité, ce site aura surtout consommé du béton, de l'acier, de l'énergie, et mobilisé des centaines de millions d'euros pour un résultat concret très limité. Questions ouvertes et leçons possibles. On peut voir le scandale NSESECT comme la simple histoire d'une start-up qui a cru trop vite à son propre récit. On peut aussi y lire quelque chose de plus profond. Cette affaire tombe à la croisée de plusieurs tendances, urgence climatique, fascination pour les solutions technologiques, quête politique de licorne verte, abondance de financements publics orientés vers l'innovation. Personne n'a planifié ouvertement un complot dans une pièce noire. Pourtant, beaucoup d'acteurs ont trouvé un intérêt à y croire. Les fondateurs avaient besoin de capital. Les fonds cherchaient une histoire forte. Les gouvernants voulaient montrer qu'ils soutenaient l'agritech. Les médias appréciaient ce récit de ferme futuriste qui coche toutes les cases. Dans ce genre de dynamique, le doute n'a pas beaucoup de place. Le cas NSESECT rappelle aussi que les promesses de protéines du futur doivent se confronter à des tests très concrets. Acceptabilité alimentaire, sécurité des travailleurs, bilan carbone réel, coût de production, effet sur les territoires, tout cela demande du temps et des preuves, pas seulement des slides de levée de fonds. Certains projets plus modestes continueront peut-être à explorer les protéines d'insectes de manière plus prudente. Rien n'empêche d'apprendre et de corriger. Cette histoire met enfin en lumière le rôle crucial des témoins de terrain. Sans Adrien et les autres salariés qui ont pris le risque de filmer, une partie de la vérité resterait invisible. Sans les enquêteurs qui ont recoupé ces images avec des documents financiers et des discours politiques, le récit officiel de la ferme d'insectes continuerait à circuler sans opposition. Le contraste entre le décor pour caméra et la réalité opérationnelle serait resté hors champ. Chacun reste libre de la façon dont il lit cette affaire. Elle peut se ranger dans un coin de la mémoire, ou servir de repère chaque fois qu'un nouveau projet technologique promet de tout régler d'un coup. Elle offre au moins une occasion d'observer comment se fabriquent les récits, comment circulent les financements, et comment la dissonance entre promesses et réalité finit toujours par se manifester, tôt ou tard.